Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons finir l'émission sur une actualité scientifique. François, des chercheurs français auraient trouvé une piste permettant aux personnes porteurs du VIH de guérir de la maladie. Oui, Valérie. Alors, selon une étude publiée dans la revue Nature du 15 mars 2017, une collaboration entre des chercheurs provenant de plusieurs institutions françaises comme le CNRS, l'Université de Montpellier, l'INSERM, l'Institut Pasteur, l'hôpital Henri Mondor de Créteil, le CHU de Montpellier et l'Institut de recherche vaccinale, ça a mené à la découverte d'un marqueur se trouvant à la surface des cellules qui servent de réservoir au virus chez les gens qui sont porteurs du VIH. Mais commençons par faire un rappel des faits. En 1996, la trithérapie devient disponible pour les personnes atteintes. La stratégie sous-jacente à la trithérapie consiste à bloquer la reproduction du virus en inhibant trois mécanismes essentiels à sa reproduction. Alors, chaque médicament composant la trithérapie vise une cible précise. La trithérapie a pour objet d'attaquer le mécanisme de reproduction du virus sur plusieurs fronts. De nombreux essais cliniques démontrent que cette stratégie s'avère très efficace pour stopper complètement la réplication du virus et ce faisant, on vient de stopper la progression de la maladie. Par contre, on se rend vite compte que si le patient interrompt la trithérapie, le virus recommence à se reproduire et la maladie à évoluer de nouveau. Alors, la communauté scientifique comprend alors que si la trithérapie peut très bien contrôler la maladie, elle ne l'éradique pas. Alors, les porteurs du VIH se voient contraints de prendre des médicaments pendant le reste de leur vie. C'est là. Oui. Et c'est là que donc les chercheurs découvrent que le virus peut se cacher, se mettre à l'abri. Oui, tout à fait. Alors, les chercheurs ont compris que le virus avait trouvé un mécanisme qui lui permettait de se tapir, de se cacher dans des cellules et d'y rester très longtemps en latence sans pouvoir être détecté à l'abri du système immunitaire et prête à se reproduire de nouveau. Alors, on les appelle désormais, ces cellules, on les appelle les cellules réservoirs. Et comment est-ce qu'il serait possible de détruire ces cellules pour se débarrasser, une fois pour toutes, du VIH qu'elles abritent? Alors, la guérison complète de l'infection au VIH passe nécessairement par le ciblage des cellules réservoirs. Et c'est là toute la difficulté. Comment fait-on pour reconnaître les cellules réservoirs des autres cellules qui n'abritent pas le VIH, des cellules qui sont saines? C'est ce que vient de réaliser une équipe de chercheurs qui a identifié un marqueur des cellules réservoirs. Alors, une protéine présente uniquement à la surface des cellules infectées, la protéine CD32A. Alors, les chercheurs de l'Institut de génétique humaine de l'Université de Montpellier en France sont partis sur l'hypothèse selon laquelle le VIH serait susceptible de laisser une empreinte à la surface des cellules réservoirs. Alors, ils ont par la suite développé un modèle d'infection in vitro et ont comparé des cellules infectées et les cellules saines. Et ils ont remarqué la présence d'une protéine particulière à la surface des cellules réservoirs infectées, la protéine CD32A, comme je le disais tout à l'heure. Et la protéine a été observée uniquement à la surface des cellules infectées, ce qui signifie que la protéine CD32A constitue un marqueur fiable pour repérer les cellules réservoirs. Alors, toujours en laboratoire, les chercheurs ont remarqué que l'activation des cellules réservoirs a induit une production de virus capable de réinfecter les cellules saines et que leur élimination a provoqué un retard important dans la production virale. Mais ça, c'est ce qu'on observe en laboratoire, mais chez les patients, ça donne quoi? Alors, les tests en clinique sont assez concluants. Les chercheurs ont analysé des prélèvements sanguins provenant de 12 patients porteurs du VIH et qui étaient sous trithérapie. Et ils ont réussi à isoler les cellules qui arboraient en surface la protéine CD32A. Et ils ont constaté qu'elles étaient presque toutes porteuses du VIH. Donc, j'imagine que cette découverte, elle ouvre un espoir de guérison pour tous les porteurs du virus? Alors, cette découverte ouvre certainement la voie à une connaissance approfondie des réservoirs viraux qui pourront désormais être isolés facilement et analysés directement. À plus long terme, elle devrait déboucher sur des stratégies thérapeutiques visant à éliminer le virus latent dans l'organisme. D'ailleurs, un brevet a été déposé sur l'utilisation diagnostique et thérapeutique du marqueur qui a été identifié. Bon, alors un espoir sans doute très intéressant que les porteurs du virus accueilleront avec satisfaction probablement. Tout à fait. Merci François. Et on suivra le dossier aussi. Oui, merci François.